Les choses que Dieu fait, trop petites pour être citées, parfois même insignifiantes aux yeux de l'homme. Il ne pense pas que Dieu pourrait faire de telles choses, mais ce sont ces petites choses qui nous montrent vraiment l'authenticité de Dieu et sa beauté. Il n'est pas prétentieux et son essence et son tempérament ne sont pas exagérés, déguisés ou arrogants. Il ne se vante pas, mais c'est avec une attitude fidèle et vraie qu'il prend soin, aime et conduit l'homme qu'il a créé. L'essence de Dieu n'est pas une façade, et la beauté de Dieu n'est pas une façade. Son essence existe vraiment, elle n'est pas inventée, et elle ne change pas avec le temps, l'endroit ou bien les airs. Peu importe combien l'apprécie ou pas, ou combien peuvent le ressentir, ni combien peuvent le voir, il est vrai que Dieu fait ces choses. Il est vrai que Dieu fait, qu'il fait toutes ces choses. L'essence de Dieu n'est pas une façade, et la beauté de Dieu n'est pas une façade. Son essence existe vraiment, elle n'est pas inventée, et elle ne change pas avec le temps, l'endroit ou bien les airs.